This one's from an album, Sex Mad. It's called Metronome. Too many beats! Too many beats! get no variation. No variation. The comfort. Comfort. And security. And security. I'm doing what? What? And who? Who? You are. Do it at me. Sex. Countless and strange. open your lips and tell me your name. Tell me your name. Tell me your name. Come on, tell me your name. Come on, tell me your name. Come on. Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM dans Lost in Space. Le live s'achève à l'instant avec No Means No, mais la soirée est loin d'être terminée comme vous en avez l'habitude. On va continuer en musique tranquillement avec un peu plus de bizarrerie et ça attaque par Blues qui chante Videotapes. Twice the medicine man to make you feel all right. heading to the Orient for you and me. Well, near a Chernobyl, shooting off the guns, hoping all the merchants come to get the sun. Everyone likes a little bit at night. Shake the car, yours once or twice. The medicine man will make you feel alright. Oh yeah, here we go. Salesman's heading to another town to see who he can have gather around. They're singing and doing tricks down in the square, hoping all the town people come to get his share. 'Cause everyone likes a little bit at night. Shake the curios once or twice. The medicine man will make you feel alright. Drugstore cowboys broken in again, and everybody's talking about this world of sin. Sometimes they point the finger at a politician's son, but most of the time they lock up some nobody just to see the job getting done. Everyone likes a little bit at night. Shake the curios once or twice. The medicine man make you feel alright. Yeah. Thank you. Something about the way you taste makes me wanna clear my throat. There's a message to your movement side. Really get my gut. I gotta get feeling. I gotta get feeling. Feeling. I gotta get feeling. I gotta get feeling. Feeling. Look for sniffy linings, but you're right into the core. I like just about all I can take, you know, I can't take no more. Feeling, I've got a good feeling. I've got a good feeling, feeling, feeling, feeling. I've got a good feeling. Gotta get feeling. Gotta get feeling. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling. I gotta get a feeling. Thank you.

ils envahissent le macadam. Ils empoisonnent les zones piétonnes. Elles déambulent à l'unisson, zigzag, se faufilent, s'immiscent dans les interstices. Les valises à roulettes. Les valises à roulettes. Glisse, hisse, se hausse, et s'interpose, souvent s'impose, comme les reines du territoire dans nos couloirs, sur nos trottoirs. Les valises à roulettes. T'as comme une remorque derrière toi. Une fois que t'es passé, t'oublies qu'il faut le temps qu'elle passe aussi ta remorque. Donc si t'as pas le temps de passer avec ta trottinette, tu t'engages pas, tu laisses passer déjà. Y'a celle qu'on tire à deux roulettes. Y'a celle qu'on pousse à quatre roulettes. Quand on tire, la valise est derrière. Quand on pousse, elle est devant. Parfois on tire, on pousse en même temps. Je vous dis pas la place que ça prend. Valise à roulettes. Celle qui tourne sans clignoteur. Celle qui encombre l'escalator. Celle qui boite dans l'escalier, y a celle qui couine sur les pavés, y a celle qui écrase les pieds dans les couloirs du TGV. Valise à roulettes. C'est pareil quand tu tournes, te rabats pas tout de suite, parce que derrière toi t'as un truc accroché qui va tourner aussi en même temps que toi et qui va rouler sur mes chaussures. Vous devinerez jamais ce qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Allez, je vous donne une valise à roulettes. Gagné. J'ai l'air malin. C'est bien ça le problème. Tout le monde gueule sur des choses que tout le monde fait. Et c'est bien ça le problème. Tout le monde gueule sur des choses que tout le monde fait. On s'en sortira jamais. It's not the end, that's it, that's it. mind laid on a plate of my own kind. I'll take a key from the gravy and unlock the cage that holds the ravens in. And in the waters ply their toil, are lifted on the surge's crown, and plunged where seethes.